retour et ton peuple l'acclame au dehors comme un fils d'empereur. Entrant vainqueur à Rome, acclamons-le aussi, son triomphe est le mien. Bienvenue mon cher fils, te revoilà enfin. Notre conseil suprême me veut t'entendre aussitôt ton rapport de mission au pays des salauds, afin de décider si nous devons dès lors bombarder ces cinglés pour que je sois plus fort. Mon exil volontaire est demeuré secret sous un nom Théodore. Je me suis inséré, les Résidinis ont vu que du feu. Je connais à présent les armes de ces gueux. Ces déchets d'êtres humains ne sont pas dangereux. Autant qu'indisciplinés, ils sont aussi peureux. Les forces de l'Oxa contrôlent la situation, garantissant nos lois et notre protection. Aussi dis-je avec force, laissons-les dépérir. Leur sort en est jeté, ils n'ont pas d'avenir. Alerte 3, AOC protection. Alerte 3, AOC protection. Terminé. L'AOC Protection espère que cet incident n'a pas entravé votre bien-être et se félicite de l'efficacité de son dispositif de sécurité pour l'intérêt de chacun. Eh bien non, bombardons les soudains de purée de caca et même de boudin. Arrosons-les aussi de pipi de purin. Faisons-leur des chatouilles, traitons-les de vilains. Et s'ils tirent la langue, on leur fera pareil. Mais je doute à présent, c'est mon fils qui a raison. Arrêtons ce conseil, telle est ma décision.